la mode est au hip-hop et qu'il faut se droguer pour arriver au top. Que même dans la musique, la machine a remplacé l'homme, mais quel est celui qui traînera un robot prud'homme? Que sur internet on trouve des trucs qui existent même pas, qu'on peut faire ses courses sans même sortir de chez soi, qu'on peut trouver l'amour, mais ça j'y crois pas. Qu'aujourd'hui on vit en démocratie, que les hommes sont libres et égaux dans la vie. Il paraît qu'on habite dans le pays des droits de l'homme, et qu'Adam il a même pas croqué la pomme. Il paraît comme été j'aurais pu faire comique, que dans mes chansons y'a quelque chose de cynique. Mais moi j'ai pas envie de faire de politique, et de toute façon il faut que je rentre à la clinique.